Chacun sa vie, chacun ses épreuves, chacun ses envies, chacun ses erreurs. On m'a dit qu'ici pour s'en sortir fallait être fort. Moi j'y ai cru comme un petit. Y'a pas de chèque pour le Zélio. Moi j'force Sarah, Brasélio, connu comme Sarajevo. Le frigo vide et même ça prendre des pigeons secrets. Mon putain de projet sur Sarah Ledo. Mon chien partner, partout, pour entrer en boîte. Partout, parti sur les photomatises. Sur contrôle de cup de bac, qui veut jouer les marques surprise. Daron, Margin, AG, métissage, Tunti, HV, Garba sur Garba, riage m'a caché. Enfant seul va apprendre à marcher avec pack de 10. C'est chacun sa vie, chacun ses épreuves, chacun ses envies, chacun ses erreurs. On m'a dit qu'ici pour s'en sortir fallait fort. Moi j'y ai cru comme un petit. C'est chacun sa vie, chacun ses épreuves, chacun ses envies, chacun ses erreurs. On m'a dit qu'ici pour s'en sortir fallait fort. Moi j'y ai cru comme un petit. Comme tu sais j'ai pas eu de chance. Moi j'ai dû choisir entre ma vie, ma clique ou voir comment Paris danse. Pour mon album j'ai dû taffer, taper dans le bâtiment, puis compter sur RMI pour que mon bordel il paraît dense. J'ai dû mettre l'oseille à gauche pour rester en chien. M'inquiéter dans une brèche ancien, dans un milieu hanche. Investir sur moi-même vu que personne ne fait royal. Moi je reviens voir acheter mes chèques, elle met des soches. Un des races, un des ablédis. Fortas, mais t'aimes zénis. Soujard qui m'a aile, il hagra, mais t'as j'aime. Dans mon parcours y'a des jaloux, des misses, mais j'avoue que c'est les épreuves de Allah. La vie d'une star, non mais avoue de me dire ce que je fais, de bon ou de mauvais. La vie du star, c'est du passé, dans mon avenir. J'irai au bout, j'irai au bout, j'irai au bout. C'est chacun sa vie, chacun ses épreuves, chacun ses envies, chacun ses erreurs. On m'a dit qu'ici pour s'en sortir fallait être fort. Moi j'y ai cru comme un petit. C'est chacun sa vie, chacun ses épreuves, chacun ses envies, chacun ses erreurs. On m'a dit qu'ici pour s'en sortir fallait être fort. Moi j'y ai cru comme un petit. Tu t'es retrouvé à la dèche, rien dans les poches à dire que t'étais le baisse. On partant à la pêche, gardez la vôtre et je garderai la mienne. Tu sais que c'est moche d'être un mec qui s'en sort dans une pièce. Soit tu veux être libre, soit tu veux le monde. Dans les deux cas, si t'es faible, tu prendras le calibre. Soit tu lis la Bible, soit tu choisis le Coran. Mais surtout ne fais pas de bruit et lâche jamais tes livres. Ne t'attache pas là où tu seras maudit d'Allah. N'oublie jamais que les yeux des gens ne transperceront pas là-haut. Vive ta vie et tourne le dos aux autres. Car le jetard parmi nous, des soldats qui brisent les bras. C'est chacun sa vie, chacun ses épreuves, chacun ses envies, chacun ses erreurs. On m'a dit qu'ici pour s'en sortir fallait fort. Moi j'y ai cru comme un petit. C'est chacun sa vie, chacun ses épreuves, chacun ses envies, chacun ses erreurs. On m'a dit qu'ici pour s'en sortir fallait fort. Moi j'y ai cru comme un petit. L'amour, la vie, le baron, la réussite. Moi j'y ai cru comme un petit. Les potes, les grands gueules, la musique. Moi j'y ai cru comme un petit. L'oseille, les sables, le bling bling, les sacs. Moi j'y ai cru comme un petit. Les bagarres, les fils, les bars, les disques. Moi j'y ai cru comme un petit.